Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. My face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. Ain't the first time I caught you out again. You spent your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour, bienvenue à la puissance maximale, ce sera pas trop long, Michael Michaud va avoir un micro qui fonctionne dans pas long. Bonjour à tous. Là il marche. Et voilà, bienvenue à la puissance maximale, mesdames et messieurs. 4 en 4. Eh oui, évidemment on n'est pas capable d'avoir un, pas de problème technique quand on arrive pour l'émission. Alors bienvenue à la puissance maximale, mesdames et messieurs, votre magazine ludique en ce beau jeudi. Et oui, encore un jeudi chaud, mesdames et messieurs, mais vous n'avez pas quelle idée à quel point il fait chaud dans les studios de CKIA FM à Québec. Et oui, une autre émission chargée aujourd'hui avec M. Andrew Castegan à la console. Bonjour Andrew, comment bon. Ça va? Ma température baisse maintenant qu'on sait que c'est juste le micro 1 qui marche pas et que c'est pas juste ta voix qui porte pas. Et voilà, ben... Moi qui pensais que c'était ta voix qui était défectueuse. Et non, jamais, jamais. En tout cas, très rarement. Je me disais, ça y est, il faut que je fasse l'animation seul. Et justement, là, la magnifique voix que vous entendez, c'est celle de Michael Michaud, votre animateur, qui est toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Et là, cette semaine, Andrew, on va parler de plein de choses. On va commencer par une chronique avec notre collaborateur en sécurité informatique, M. Pierre-Luc Pelletier, avec qui on va parler de l'affaire Snowden et aussi d'Ubisoft. On va aussi parler avec M. Castegan, bien évidemment, pour faire une critique de jeu. Et de quel jeu tu vas nous parler, M. Castegan? L'excellent jeu The Last of Us. Une exclusivité PS3 des studios Naughty Dog. On vous parle de ça un peu plus tard dans l'émission. Et on va parler, bien évidemment, de nouvelles ludiques. Et comme à notre habitude, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez évidemment tout écouter de nos anciennes émissions, podcasts, lire des nouvelles qu'on y poste également. Rendez-vous aussi sur Facebook, tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le petit bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et grâce à ça, vous avez toutes les nouvelles sur l'émission le plus rapidement possible grâce à Facebook. Et si vous voulez rajouter M. Andrew Castegan à vos amis Facebook, bien, vous allez pouvoir parler avec lui durant l'émission en live. Oui, je suis en ligne. Et voilà pour lui J'attends que vous veniez me parler. Pour lui poser des questions pendant qu'il parle, puis tout le mélanger dans ses affaires. Donc voilà, vous pouvez faire ça également. Et comme à notre d'habitude, on va commencer par de l'excellente musique. Et par quelle chanson on va commencer, M. Castegan? La bière du donjon. Et oui, un spécial, un petit spécial Naël Band là, cette semaine. On a des Mme Vernick Thibault qui nous avait demandé ça via Facebook, justement, si on fait passer plus de Naël Band. Mais on est à l'écoute de nos auditeurs et vous allez voir pourquoi c'est un spécial Naël Band un peu plus tard dans l'émission. On vous envoie ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. C'est nous qui la brassèmes, la bière du donjon. C'est nous qui la brassons, brassons, brassons. La bière du donjon, brassons, brassons. La bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la servaine. La bière du donjon, c'est nous qui la servons, servons, servons la bière du donjon. Servons, servons la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la vendons. La bière du donjon, c'est nous qui la vendons. Du donjon, c'est nous qui la buvons. La bière du donjon, c'est nous qui la buvons. Buvons, buvons la bière du donjon. Buvons, buvons la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la retenons. La bière du donjon, c'est nous qui la retons. Rotons, rotons la bière du donjon. Rotons, rotons la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la pissons. La bière du donjon, c'est nous qui la pissons. Pissons, pissons la bière du donjon. Pissons, pissons la bière du donjon. Donjon, c'est nous qui la gerbons. Tu vois, la bière du donjon, c'est beau. C'est nous qui la gerbons. Absolument. Et même qu'après, eh ben on en reprend. De toute façon, du barbare, c'est un connard. Mais tu mais sais. Rien à foutre de moi, alors. Fais chier, ah, toi. C'est pas bientôt fini, tous par d'elle. Ouais, et d'abord, je bois de la bière quand je veux. Ok. Ça te passera dans le tout là. C'est la fin du monde. Je t'ai vu dans ta vue. Alcoolique. Les publicités Nalbeuk. Hey, mais c'est mon vieux Gamnor. Ouais, salut. Tiens, tu te souviens de ce collier en dents d'ours que tu m'avais prêté et qui venait de ton arrière-grand-oncle? Ah, bah ouais. Eh ben, je l'ai perdu. Oh. Ouais. Et dis donc, Torg, tu peux me passer ta masse? La voilà. Mais attends, tu sais... Non mais... Une masse paf à la main, dans tous les cas, c'est malin. Les masses paf. Et oui, mesdames et messieurs, il est temps d'une autre chronique sécurité informatique avec monsieur Pierre-Luc Pelletier. Alors, bonjour Pierre-Luc, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Numéro 1, et là on va vous parler de deux sujets aujourd'hui avec Pierre-Luc. On va commencer par quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Deux choses qui se sont passées il n'y a pas si longtemps. Une directement en rapport avec le monde ludique et un autre aussi plus rapport au monde de politique. On va commencer par le premier sujet, monsieur Pelletier. On va parler d'Ubisoft qui a été attaqué récemment dans ses systèmes. Oui, exactement. On a très peu d'informations à part. En fait, moi, j'ai su ça tout bêtement par un mail de la part d'Ubisoft, donc qui m'a envoyé donc un avis comme quoi je faisais partie des comptes qui avaient été hackés, des comptes Ubisoft. Là, on parle des comptes Ubisoft multiplayer. Là, donc c'est le programme Uplay, ça. Le fameux Uplay, exactement. Donc, c'est le Uplay qui aurait été attaqué. Et puis, il y aura... En fait, il faut que tous les gens qui ont un compte Uplay comme celui-là changent leur mot de passe. Moi, je le conseille de le faire, même si vous n'avez pas reçu ce fameux mail de la part d'Ubisoft. Donc, c'est sûr que moi, bon, comme je suis complètement paranoïaque, je me suis assuré d'abord que c'était pas du spam parce qu'il y avait quand même un lien à cliquer dessus pour aller voir et modifier son mot de passe. Donc, moi, dans toute ma paranoïa, j'ai vérifié l'adresse IP source et tout, mais c'est un peu. je peux vous confirmer que c'est vraiment arrivé. Ben oui, effectivement, parce que c'était sorti dans les médias, cette attaque-là. Moi-même, j'ai reçu le même courriel par rapport à mon compte Uplay. Et justement, là, comme ils nous disent, il n'y a pas d'informations bancaires qui ont été touchées dans cette attaque-là. C'est ça, exactement. Si je lis vite fait les deux lignes importantes de ce mail-là, ils disent que nous avons appris que des données avaient été illégalement consultées depuis des adresses e-mail ainsi que des mots de passe cryptés. Donc, mais ils disent « Sachez qu'aucune information de paiement n'est en fait n'a été volée. » Bon, au moins ça, on s'en sort. Donc, mesdames et messieurs, faites attention à votre compte Uplay. Donc, surtout, pour ceux qui ont beaucoup de jeux Ubisoft, ben allez, changez ça. Oui, il y a même un lien carrément sur ce fameux email. Vous cliquez sur le lien pour changer votre mot de passe. Vous utilisez bien sûr un mot de passe qui n'est pas utilisé ailleurs. Et si vous avez utilisé ce mot de passe-là, en fait, le mot de passe qui a été volé, si vous l'avez utilisé ailleurs, vous devez changer votre mot de passe partout où vous utilisiez ce même mot de passe. Parce que tout le monde sait que la combinaison adresse email et mot de passe, l'adresse email est souvent utilisée comme nom d'utilisateur sur plusieurs sites, plusieurs services. Donc il faut faire attention. Les gens, en fait, s'ils connaissent votre mot de passe, ils savent déjà votre email. Donc l'email est l'utilisateur et le nom d'utilisateur que vous fournissez pour ces services-là. Si vous utilisez le même mot de passe, ces services-là aussi sont en danger. Et voilà un Pierre-Luc bien paranoïaque, mais surtout bien consciencieux. Donc, suivez les conseils de notre expert en sécurité. On va passer tout de suite au deuxième sujet, Pierre-Luc. On va parler d'Edward Snowden, cet homme, cet Américain, je crois, si je me rappelle bien. Exactement. Qui est poursuivi présentement partout sur la planète. Oui, donc ça commence effectivement aux États-Unis. Cette personne-là, c'est un Américain qui, à l'époque, travaillait donc pour une société qui s'appelle Booz Allen Hamilton. Donc, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, c'est un sous-traitant de la NSA. Donc, la NSA ne fait pas nécessairement tout en interne. Ils sous-traitent une bonne partie de leurs activités. C'est quand même assez curieux pour la NSA. On rappelle que c'est la Sécurité nationale américaine. Exactement. Donc, c'est quand même assez curieux de voir qu'ils font de la sous-traitance à ce niveau-là. C'est ça, c'est une agence supposément très secrète, justement, du gouvernement américain. Bon, c'est certain que ces sociétés-là signent toutes sortes de papiers. C'est extrêmement, cloisonné. L'information, elle peut pas sortir à moins qu'une personne prête à prendre des risques comme Edward Snowden, réussisse à sortir l'info et à la rendre publique. Donc, en ayant accès à toutes sortes d'informations, il a décidé qu'il voulait faire sortir ça dans les médias. Donc, il a collecté énormément d'informations, puis il a donné courant de mai, là, il aurait donné de l'information au Washington Post, puis au Guardian, là, qui est anglais. Donc, ça, c'est courant mai dernier. Puis, même si on ne sait pas exactement l'information qui a été donnée, bon, ça continue de sortir, là, même aujourd'hui. Donc, il y a le 7 juin, là, où c'est vraiment sorti, les révélations comme quoi Microsoft, Yahoo, YouTube, Apple, Facebook, Skype, collaboraient tous avec la NSA pour donner de l'information, mais pas nécessairement que sur mandat individuel d'une personne qui serait soupçonnée d'un crime, par exemple. Donc, ce serait vraiment des données en masse qui seraient données à la NSA sans nécessairement le cadre légal qui va bien. Donc, on parle vraiment d'espionnage de la vie privée, là. Oui, oui, oui, c'est exactement ça. En fait, si c'est prouvé, ça veut dire que, en gros, n'importe qui, en fait, probablement vos informations, se sont retrouvées d'une manière ou d'une autre à la NSA. Non seulement les Américains, mais même à l'extérieur. Bon, c'est sûr que les Américains ont commencé par nier en disant « Non, les Américains ne sont pas épiés, ne sont pas espionnés. C'est justement uniquement à l'extérieur. » Et là, tous les autres pays ont dit « Quoi? Uniquement à l'extérieur, ça veut dire qu'il n'y a aucun cadre légal si c'est de l'espionnage entre les pays. Pourquoi Microsoft ou tous les autres... en fait, donne énormément d'informations aux services secrets américains et pas aux services secrets des autres pays. Donc, il y a énormément de... En fait, ça a vraiment créé un scandale, ça a fait vraiment une bombe là, dans le domaine de la sécurité informatique, puis même dans les médias normaux. Donc, ça a vraiment été... ça a vraiment fait une explosion là, dans les médias. Edward Snowden n'a pas fait ça, d'après ce que j'ai su, n'a pas fait ça pour des raisons pécuniaires. Là. Il a vraiment fait ça pour vis-à-vis sa morale personnelle. Il trouvait que ça n'avait pas d'allure. Exactement. Que cette chose-là se passe, puis il a décidé de mettre ça au grand jour. Ben, deux jours plus tard, lui sortait dans les médias pour expliquer justement que c'était pour empêcher le gouvernement de détruire la vie privée. Justement, le fait que Internet soit libre et que ce qu'il appelle lui les libertés essentielles. Sa morale à lui était en jeu. Puis effectivement, il y a rien gagné là, parce que là il a justement un mandat sur sa tête. Les Américains le veulent sur son territoire pour le juger. Là, il est pris en fait dans une zone internationale de l'aéroport de Moscou. Oui. Donc il peut pas vraiment sortir de cette zone internationale là parce que aussitôt qu'il sort, il va se faire arrêter, en fait, il prend le risque de se faire arrêter par les autorités russes qui pourraient ensuite l'extrader donc aux États-Unis. Faut savoir qu'en parallèle, il a demandé tout récemment il veut se faire considérer comme un... Comme il est en exil politique, là, présentement. Là. Ouais, Il cherche l'asile politique dans un pays. Exactement. Donc, ce serait un asile temporaire pour la Russie. Ça veut peut-être dire qu'il cherche à aller ailleurs éventuellement. Le problème avec cette demande d'asile-là, c'est que la Russie a posé une condition, c'est que justement, il arrête de sortir de l'information qui pourrait nuire aux États-Unis. Donc, lui, il est peut-être pas enclin à faire ça. Ça, c'est des spéculations, bien sûr. Hein. Donc, et peut-être qu'il pourrait continuer à faire ça s'il sort éventuellement de la Russie. Donc, présentement, il est en attente. Je sais qu'il a fait des demandes auprès de certains gouvernements sud-américains également là, pour pouvoir s'en aller vers cette direction-là. Il y a même eu tout un imbroglio diplomatique et aérien il y a une semaine ou deux là, avec... Justement, oui, c'est ça. C'est le président bolivien Evo Morales qui a été forcé d'atterrir, en fait, après que la France ait empêché cet avion-là de survoler la France, donc son espace aérien. Avec les soupçons, en fait, c'était peu rumeur. Hein. Finalement, il n'était pas dans l'avion, mais il y avait une rumeur comme quoi Edward Snowden était dans l'avion et la France a réagi en bloquant le passage, en fait. Donc, en forçant l'atterrissage donc à Vienne, puis il y a eu une fouille de l'avion et ils n'ont rien trouvé, bien sûr. Mais peut-être est-ce que c'était une manœuvre soit d'Evo Morales ou d'Edward Snowden pour justement brouiller les pistes encore plus. On se rappelle aussi, là, il est parti en Russie de Hong Kong où les autorités l'avaient laissé partir, mais lui de Russie avait aussi avait réservé un vol vers Cuba qu'il n'a jamais pris finalement. Donc, encore une fois, pour peut-être brouiller les pistes. Donc, il a l'air assez intelligent pour pas se faire prendre. Mais en même temps, il est carrément coincé là, au moment où on se parle à Moscou, dans l'aéroport de Moscou, en espérant avoir une réponse positive de la part de la Russie pour sa demande d'asile. Donc, un homme qui est en pleine cavalcade internationale pour se sauver justement d'un futur procès américain. Mais là, il y a d'autres éléments par rapport à cette histoire-là. Là, au-delà c'est, de... sûr. C'est sûr qu'il y a des implications extérieures. Donc, il y a des retours de vagues, en fait, politiques, bien sûr. Donc, il y a énormément de pays qui ont demandé des réponses aux Américains. Ça réduit la force américaine de diplomatie. Il y a toutes sortes d'organismes de défense des droits de l'homme qui ont aussi carrément lancé des poursuites. Donc, à savoir, est-ce que ce que faisait la NSA était donc contre les droits de l'homme, en fait? La question se pose à leurs yeux. Et donc, en déposant ces poursuites-là, ils veulent justement officialiser là, ce qui est leur opinion, en fait. Là, tu voulais aussi nous parler de certaines failles qui ont été exploitées par cet homme-là pour obtenir ces informations? Ben, en fait, c'est par rapport à l'underground. En fait, dans l'underground, il y a toutes sortes de failles. Donc, c'est un marché underground, de failles non connues sur Internet, de toutes sortes de programmes qui sont utilisés par tout le monde. Par le plus grand nombre de gens possible. Donc, par exemple, Internet Explorer, qui est utilisé par énormément de monde, bien sûr. Donc, si quelqu'un trouvait une faille sur Internet Explorer et qu'il est convaincu que c'est une nouvelle faille et qu'il est le seul, en fait, il peut aller vendre ça sur Internet. Et le prix, donc, parce que c'est un marché ouvert, bon, même si c'est complètement illégal, c'est un marché ouvert dans certains forums de spécialisés. Donc, le prix de ces fameuses failles est en train d'exploser au moment où on se parle. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le New York Times. Est-ce que ça a un rapport direct avec l'affaire Snowden ou c'est vraiment... Puis, dans le sens où les États, les autres États en fait, peut-être aussi les Américains eux-mêmes, commencent à y avoir une espèce de course à l'armement. C'est l'impression que ça donne, où tous les pays commencent à acheter leur propre faille. En fait, en achetant la faille directement du hacker qui l'a trouvé, le hacker promet, là, entre gros guillemets, qu'il ne dira pas, en fait, il ne vendra pas encore cette faille à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont, entre guillemets, l'exclusivité sur cette faille-là. Donc, en gros, ils sont omnipotents sur le programme qui est attaqué. C'est très, très intéressant pour des États, pour justement créer une espèce de réseau comme PRISM, parce que c'est le nom du réseau et du programme de la NSA qui est en cause, PRISM. Donc, créer leur propre équivalent dans chacun des États. Donc, c'est quand même un prix qui est très élevé. Bon, on n'a pas les montants exacts nécessairement, puis ça dépend de la faille aussi, mais c'est très abordable pour un pays qui souhaite vraiment sérieusement se mettre à l'espionnage en masse, donc sur Internet. Donc c'est vraiment quelque chose là, qu'on voit dans l'underground, mais qui a des implications vraiment politiques et puis au niveau des États. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Le temps file. On va être obligé de conclure la chronique là-dessus. Donc, Pierre-Luc Pelletier, notre expert en sécurité informatique, qui nous parlait des attaques récentes sur Ubisoft et de l'affaire Edward Snowden, que les implications, bien évidemment, au niveau diplomatique et même technique et sécuritaire, justement, parce qu'on parlait de ces fameuses failles qui sont vendues autant, je dirais, à des hackers que directement à des gouvernements dans cette fameuse... course à l'armement cybernétique, on va appeler ça comme ça. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Ouais, voilà. Merci beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir été là. Toujours un plaisir de t'avoir pour nous parler sécurité informatique. Ça me fait plaisir, Michael. Alors, on continue avec Puissance Maximale. On continue en musique, bien évidemment. Fans of you're messing with here, boy. I've got 12-inch rims on my chair, that's how I roll, y'all. You look like someone glued a mustache on a troll doll. I'll be spitting out the rhyme like gravity stretches time when you try to put your little pea brain against this kind of mind. On the vast, on the Snoop Dogg science, I'll be dropping mad apples on your head from the shoulders. Shoulders you'd have stood on if you could stand. I'll give you a brief history of pain with the back of my hand. You can't destroy matter or me for serious. Ripping holes in you bigger than the hole in your black hole theory was. There are 10 million particles in the universe that we can observe. Your mama took the ugly ones and put them into one nerd. You wanna bring the heat with the mushroom cloud you're making. I'm about to big rap from scratch like Carl Sagan. And while it's true that my work is based on you, I'm a supercomputer, you're like a TI-82. Ooh. Full world, poster, unison, upper, world, world of the wizard! Les publicités, Narl Buck. Eh ben. Hey, salut. La flotte. Hey, tu sais, ton sanglier de combat que je devais garder. Quoi? Eh ben, je l'avais mal attaché, alors il s'est enfui. Oh, quel fils de chacal putride. Ouais, je suis désolé. Et toi, dis-moi ta masse. Merci. Oh là-haut, attends, si ça se trouve... Ta gueule. Une masse paf à la main, c'est une solution de bourrin. Les masses paf. Et oui, de retour à puissance maximale après la bière du donjon, après Epic Rap Battle of History entre Albert Einstein et Stephen Hawking, et des pubs, Noël Buck, c'est notre petit spécial aujourd'hui pour faire plaisir à nos auditeurs. À place d'avoir des indicatifs puissance maximale, ben on a des pubs, Noël Buck, pour vous. Commandité par les MassPaf. Ouais, MassPaf, allez vous acheter ça. Moi qui m'en vais dans un GN en fin de semaine, j'aurais dû m'en procurer une pour mieux... Pour mieux taper mes ennemis. Et non, je n'aurai pas de MassPaf, malheureusement. Ou les gens qui te font un mauvais service. Et voilà, pendant la gueule. Et après toute cette excellente musique, publicité et une autre excellente chronique de M. Pierre-Luc Pelletier pour la sécurité informatique, ben on va aller avec une chronique de jeu. Et oui, mais avec... avant... Oui, Andrew? Une nouvelle. Oh, une nouvelle avant la chronique. Oui, ben en fait, c'est pour... faire un peu un parallèle avec ce que Pierre-Luc nous a parlé. Oui, on parlait d'Ubisoft et de piratage, mais là, une autre compagnie aurait été victime de piratage. Konami, le 8 juillet, 10 jours après le jour, c'est pas si pire. Ouais, la nouvelle ça. Est encore fraîche, ça sent pas encore le poisson. Non, c'est ça. Fait que Konami, qui s'est fait pirater leur portail et s'est fait voler approximativement 35... non, attendez, j'ai mal lu. En fait, c'est qu'ils se sont fait voler des comptes Konami ID, dans le fond, sur le portail. Et ils s'en sont rendus compte à cause qu'ils ont enregistré plus de 35 000 logins non autorisés sur les serveurs le 8 juillet dernier. Donc, ils ont envoyé un email de masse au monde pour dire « Changez vos mots de passe » et Konami assure avoir déjà pris les mesures nécessaires pour renforcer leur sécurité. Est-ce qu'on nous parle, c'est des informations bancaires qui ont été prises? On parle de nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone et adresse électronique. Oh, quand même, numéro de téléphone, commence à être plate un peu. Je trouve qu'on a tellement la musique d'ambiance extraordinaire pour parler de ça. Tout à fait. Tu sais, le numéro de téléphone, là. Hein? Mais, ouais, donc, une autre compagnie victime de pirates, mesdames et messieurs. Comme disait Pierre-Luc pendant sa chronique, faut toujours être très prudent avec ses mots de passe. Donc, faites un petit effort et... Je vais vous dire, difficile, ouais. Mon mot de passe est... Non, je plaisante. Tu es tellement drôle, Endo. Ah, j'ai un sens de l'humour incroyable. Un sens du monde de la Rive-Sud, mais bon. Oh! Que la Rive-Sud, on est excellent. Ben oui, je sais. On a le corsaire, nous autres, pas vous autres. Ouais, mais on salue M. Vincent Langlois aussi. Ah, regarde, tu peux pas mal parler de la Rive-Sud. C'est sûr, Vincent habite la Rive-Sud, donc je ne peux et que... Et tout le monde le sait, Vincent, c'est une légende, une sommité. C'est... Dans tout, en fait. C'est l'équivalent du vieux sage sur le sommet d'une montagne. Et voilà, sauf qu'il habite dans sa maison, sa Rive-Sud. un petit peu moins difficile de s'y rendre. La preuve que c'est la bonne rive. Voilà. Vincent, il reste, et voilà. C'est ça. Après autant de flagorneries et autres niaiseries, on va passer à la chronique de M. Castegan. On va parler de Last of Us, un jeu sur PS3 qui était très attendu et, comme pourra peut-être nous confirmer Andrew, un succès critique assez phénoménal. Oui, ben en fait, ça a été fait par la même gang que Uncharted. Fait qu'on s'entend déjà à la base. Ça part bien. T'es un bon engine, ça part bien. Est-ce que c'est le même engine qu'Uncharted? Ou, en fait, graphique, oui. Ouais. C'est semblable. Je dirais même que le gameplay est relativement pareil, en fait, là, à part quelques petits éléments différents, là, dans le fond. Là. Pour le contrôle du personnage, là, les gens qui ont joué à Uncharted seront vraiment pas des paysagers. C'est ce que tu es en train de me dire? Non, c'est ça. En fait, c'est relativement la même chose. La seule différence, c'est qu'ils ont rajouté un système de crafting. Donc, tu sais, puisque c'est un monde un peu post-apocalyptique, ben, tu sais, on ramasse des objets. Puis, dans le fond, c'est on peut créer des couteaux ou encore des cocktails Molotov ou des trousses de premiers soins ou autre chose. Mais ce jeu, où est-ce qu'il se passe, Andrew? Dans quel contexte? Mais en fait, il se passe dans notre monde à nous. Je me rappelle pas exactement dans quelle ville, malheureusement, vous m'excuserez, blanc de mémoire, de gars un peu enrhumé. D'ailleurs, si je parle du nez, c'est à cause de ça. Est-ce que ça se passe au moins aux États-Unis? Oui, c'est aux États-Unis. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça se passe dans une ville, aux États-Unis. Et il y a une maladie qui commence à se répandre au niveau de l'échelle mondiale, qui rend le monde un peu fou et avec des tendances un peu cannibales. Un peu style zombie? Ouais, on peut pas mal définir ça comme étant un zombie. Sauf que c'est pas un zombie ordinaire classique. Premièrement, c'est pas des zombies qui marchent, c'est des zombies qui courent. Si on se base sur les livres de Max Brooks sur comment survivre à des zombies, déjà là, l'histoire du jeu ne tient pas debout. Selon lui, les zombies qui courent, tout le monde serait mort. Ouais. Mais c'est tout, là. On continue. Ouais. En fait, on peut pas mal faire le parallèle avec... En fait, non, Max Brooks, il y a des zombies qui courent aussi dans ses études, parce que World War Z, c'est des zombies qui courent. Ouais, mais World War Z, c'est pas comme le film. Le film, c'est comme il ramasse tout plein de nouvelles que Max Brooks avait écrit, mais Andrew pourra vous reparler de World War Z, peut-être même tantôt, il l'a vu. Mais on va continuer avec mais le bref, jeu. Tout ça pour dire que c'est des zombies à la style 28 jours plus tard, si vous avez vu le film. Là. Donc ça va pas bien. Donc ça va pas bien. Ça court, puis c'est pas beau à voir. Sauf que la différence, c'est que contrairement à une maladie ou un virus ou quoi que ce soit, là, on parle en fait d'une infection par des champignons. T'sais, en fait, il y a eu des nouvelles scientifiques un peu qui ont circulé sur Facebook puis dans des magazines aussi, il y a une sorte de champignon qui s'attaque à des fourmis ou des araignées là, dans le fond que ça les zombifie puis ça les emmène dans l'ombre puis il se répand. Ben bon, le virus en question dans The Last of Us est inspiré de ce champignon là. Fait que c'est pas un spoil ou quoi que ce soit là. C'est assez flagrant là, on se promène puis il y a des champignons qui lancent des spores puis étrangement ben les bonhommes, les zombies quand ils sont longtemps infectés, ils ont des champignons qui poussent dessus. Fait qu'on s'entend dessus. Ceux qui ont écouté les trailers le savent déjà. C'est ça. Fait que tout ça pour dire que dans le fond c'est que c'est la fin du monde un peu en quelque sorte. Et là ça se passe 20 ans plus tard suite à cette fin du monde là. En fait on la vit, juste pour vous dire le début du jeu, c'est on vit le outbreak et après ça on a comme un temps mort où on va 20 ans plus tard rejoindre le personnage et là on est dans une des dernières villes des États-Unis qui est sous loi Marshall. Puis là la marde est pognée, il y a un groupe de rebelles qui s'appelle les Firefly qui eux veulent réinstaurer un gouvernement et t'as les militaires eux autres qui disent ben non, c'est une loi martiale et tant que les choses reviennent pas en ordre ben fuck la démocratie et tout le reste là, t'sais. Vous comprenez un peu le principe. Fait que tout ça pour dire que là nous on joue Joel qui est un scavenger, donc un gars qui se promène dans les décombres et dans les ruines, ramasse des choses qu'il n'a pas dans les camps et fait de la contrebande. Fait qu'on retrouve ça et il se retrouve avec un contrat d'escorte d'une petite fille, la fille qu'on voit dans le trailer, et après ça déboule une panoplie de péripéties que je vous dirai pas parce que je vais vous spoiler les trois quarts du jeu. Donc c'est pas vraiment un jeu d'action, c'est beaucoup j'imagine, puisqu'on est dans un monde post-apo, c'est survie dans ce genre-là? Ben, en fait, je vous dirais, je suis rendu à peu près à 61% du jeu. Je vous dirais que, premièrement, j'ai énormément apprécié le jeu, en fait. De qu'est-ce que j'ai joué, j'ai vraiment apprécié. Je dirais que, au niveau du jeu, c'est moins Hollywood que Uncharted. Uncharted, on est vraiment dans le truc d'aventure. à la Indiana Jones. Là. C'est ça. Vous ne serez pas dans un avion accroché à un filet à vous faire balancer des voitures dessus, puis avec des explosions, tout ça. Il arrive des scènes où c'est plus action, un peu, où là, vraiment, vous vous faites attaquer par plein de zombies, ou encore, ça donne que vous sautez sur un ascenseur dans un bâtiment en ruine, puis l'ascenseur lâche. Là. Mais ça ne sera pas une scène d'action qui dure 8 ans. Là. C'est très rapide. C'est vraiment pour comme casser le rythme un peu. Un peu plus réaliste, si on veut dire, en guillemets. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une survie. Là. Quand vous décidez de... Quand vous arrivez à un endroit où il y a plein de... Soit des hors-la-loi, ou encore des brigands, ou des meurtriers, ou encore des infectés, des zombies, tout ça. Mais il faut vraiment évaluer sur l'approche qu'on va avoir pour passer cette zone-là en fonction des ressources qu'on a. Parce que dans certains cas, on a vraiment beaucoup de munitions. On peut se permettre de faire une petite scène all-out où on tire tout le monde et tout ça. Mais je dirais que généralement, j'ai privilégié plus souvent l'approche subtile où on se cache un peu, on va en arrière des bonhommes, on leur rentre un couteau dans la gorge ou on leur casse le cou. Est-ce que ce genre de, justement, d'atmosphère-là, c'est vraiment, ça doit permettre, c'est plus immersif, j'imagine? C'est plus stressant un peu. Ouais. Je dirais que, on veut pas se faire voir. Puis il y a des, c'est assez tough, là. Il y a des joues anormales, je joue pas à hard. Puis certaines scènes que j'ai recommencées plusieurs fois là, parce que c'était quand il y a du monstre, il y a du monstre là. Puis surtout que les infectés, il y a comme différents degrés d'infectés. Il y en a un qui s'appelle des clickers, qui sont comme des clickers ou clippers. Bref, il y a une sorte plus évoluée un peu d'infectés que eux, ils peuvent te one-shotter. Oh, ok. S'ils réussissent à te grabber, t'es mort. Mais ils sont aveugles, ils te voient pas. Fait que c'est vraiment par principe de son, mais ils sont vraiment sensibles sur le son là, t'sais. Fait que tous ces petits principes là, fait que je dirais il y a vraiment des moments là où j'ai trouvé ça relativement dur. C'était quelque chose. Le côté de l'engin graphique, on a parlé tantôt, mais c'est quand même pas mal semblable à Uncharted. C'est pas amélioré ou Si ça s'est amélioré, c'est pas beaucoup. Moi personnellement, j'ai regardé Uncharted 3 puis The Last of Us puis c'est quand même très beau là, c'est super ça, en vrai beau, en jeu j'ai pas vu de grand écart, mais ça reste un jeu très très beau. Je parlais de Deadpool la semaine passée. Oui. Ça se compare pas là. The Last of Us est vraiment beaucoup plus beau là, que Deadpool l'est là. Je vous dirais que c'est dans un des très très beaux jeux de la PS3 là. Autant qu'Uncharted est un très beau jeu là, The Last of Us rentre dans ces catégories là. Excellent. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter avant la fin de la chronique, M. Castel? Je vous dirais qu'il y a un mode multijoueur que j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Est-ce que c'est un peu à la... Remarque, tu l'as pas essayé, mais... Mais j'ai lu sur la chose, Est-ce que c'est à la Uncharted où on se tire dessus, puis on se promène, on tire sur les autres? C'est du scavenge, en fait. Okay. C'est que tu choisis une faction. Et tu rentres dans un wasteland, une arène, un peu en quelque sorte, où là tu te bats contre les autres, puis il faut que tu ramasses des ressources pour ta faction. Et plus que ta faction de ressources, plus que t'es mieux équipé, puis tout ça. Mais ça cause que c'est pas tant l'équipement qui va faire en sorte que tu vas gagner que la subtilité. Parce que si t'es subtil, tu risques de glisser en arrière de l'autre, mais bon, qu'il y a le meilleur gun ever, tu peux le one-shotter. Là. Fait que. C'est tous ces petits aspects-là. Là. Fait que, à mon avis, ça doit être un genre de mode multijoueur un peu à la Assassin's Creed, là, genre que faut que tu te fasses un petit peu discret, puis tu la joues charogne un peu. Là. Excellent. Donc, Andrew, combien de champignons sur 10 donnerais-tu à The Last of Us? Je te dirais 9 sur 10. Quand même, mais faut dire que... Mais j'irais pas avec un 9.5 ou un 10 sur 10 comme certaines critiques, parce que je dirais que... À date, je trouve qu'il n'y a pas de l'air d'être si long que ça. OK. T'sais, si je le compare à d'autres jeux, là, bon, ça reste Uncharted, c'est pas le jeu le plus long ever non plus qui a été fait sur PS3, mais ça cause qu'il y a tellement eu un hype là-dessus que j'ai comme l'impression que t'es quelques heures de plus, parce que 61%, là, j'ai joué peut-être 6 heures dessus. OK. Puis la valeur de rejouabilité, est-ce que c'est assez linéaire comme histoire? Ou... Tu peux avoir différentes approches dans différentes zones, mais t'es... C'est pas le genre de jeu comme Deadpool que je vais avoir le goût de rejouer là. T'sais, comme Deadpool, c'est un beat'em up, puis tout ça, puis t'sais, c'est action, ça défoule, tout ça. Tandis que ça, c'est vraiment plus subtil, puis t'sais, il y a vraiment un scénario, une histoire travaillée, puis t'sais, tu t'attaches aux personnages, les personnages te font vivre certaines émotions. Mais le scénario, c'est ça, il est linéaire, peu importe ce qu'on va faire, au bout de la ligne, le résultat va être le même. Ouais. Okay. Donc, un 9 sur 10. Ben, je dis ça, mais il y a eu certaines zones où j'ai eu l'impression qu'il y avait un choix, mais je suis pas sûr que c'était réellement un choix. Là, parce que dans les jeux, on est habitué d'avoir vraiment concrètement tue-le ou sauve-le. Là, tandis que là, je me rappelle, j'avais eu une scène à un moment donné où il y avait deux survivants que j'avais croisés qui se sont fait prendre en même temps par un monstre. Là. J'en ai gonné un des deux, mais j'ai pas remarqué si vraiment il y avait un impact. Ouais. Je pense pas, personnellement. Ça n'a pas l'air d'être un jeu que des décisions ont un impact. Là. D'accord. Donc, M. Castagan donne 9 champignons sur 10 au jeu de Last of Us, disponible sur PS3 par les studios Naughty Dog, et c'est une exclusivité PS3. Et M. Castagan, on va aller en chanson. Oui, ça va être avec 300. Oui, avec le groupe, le projet Butler, Butler, qui est un gars qui fait du death metal à Québec, mais ça, c'est une version 8-bit d'une de ses chansons. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. We'll be right back. Publicité, Naël Buck. Encore. Ah oui, te voilà. Oui, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais pas quoi, j'ai invité Torfren et Jurg à dîner demain soir. Quoi? Tu m'avais promis de plus jamais inviter ces deux barbares. Oui, ben, je les ai invités, quoi. Vous là, le chevelu, prêtez-moi votre masse. Ouais, la voilà. Merci. Dis donc, tu comptes de ma part. Un coup de masse paf chaque matin et ton shampoing ne sert à rien. Hey, mais c'est quoi ce nouveau slogan, là? Bah, c'est moi qui l'ai inventé, je me suis dit... C'est voilà. N'importe quoi, t'es viré. Ah bon, bah, je reviens lundi, alors. Mais non, tu reviens pas lundi, t'es viré. Ah, zut. Les masses paf. Et oui, de retour à puissance maximale, j'espère que vous irez vous acheter des masses paf cette fin de semaine. On a entendu 300 de Threesome avec Butler de Québec, sa version 8-bit d'une de ses chansons, bien évidemment. Vous pouvez aller avoir, il y a un site Bandcamp où vous pouvez aller chercher toutes ses chansons d'ailleurs. Donc tapez Butter comme dans beurre, Butt comme dans fils et Butler comme dans Gérard Butler ou Majordome en anglais, tout dépendant. Donc tapez ça sur les internets, vous allez retrouver sa musique facilement. Et M. Castegan, pour terminer l'émission, on ira en nouvelle ludique. Oui, première nouvelle. Moi, j'ai fait un face-pump, mais toi, tu semblais dire ouais. De... Ultra Street Fighter 4 annoncé. Non, je suis pas si ouais que ça. Non, non, t'as quand même soulevé l'idée de peut-être... Je dis bien peut-être de l'acheter. Moi, je considère ça un ouais. Mais avant de m'acheter ça, t'en remarqueras que j'ai pas fait ouais. J'ai juste fait un ouais. Avant de m'acheter ça, je vais m'acheter Super Street Fighter 2 sur Super NES. Avant de m'acheter ça. Mais là, évidemment, c'est à la Capcom. Là, on rajoute des personnages. Mais quelque chose que je trouve bien, je sais pas si c'est la première fois depuis le... La folie de... Ben, ça a toujours été le même, là, mais là, depuis le début de la folie de refaire des versions de Street Fighter 4, là, mais là, si vous avez une version antécédente, qui est soit Super Street Fighter 4 ou Super Street Fighter 4 Arcade Edition, ben là, vous allez pouvoir acheter un DLC d'une valeur d'approximativement 15$ pour faire l'upgrade tu vas mettre votre à l'Ultra. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même bien. Je trouve pas ça... idéal, mais je trouve ça bien. Ça m'étonne, ben Capcom, de toute façon, c'est ça. Ils refont 20 000 versions de leur jeu, puis ils revendent... Ouais, mais je pense que la première fois, je le vois avec qui offre une possibilité d'acheter un DLC pour faire une mise à niveau. 15$, je trouve ça trop cher. Oui, moi, j'aurais dit 10$. Toi, un petit 5$ de moins. Ouais. 5$. Gros max 10. Maintenant. 5$. Voilà. 5$, c'est l'idéal. L'idéal. Gratis, à la limite. Ah, gratis. Merci d'avoir déjà acheté le jeu. Voilà. Un cadeau, ça serait merveilleux. Donc, la sortie de Ultra Street Fighter 4. Qui va amener des nouveaux personnages. On dit que la difficulté du jeu va être rebalancée selon les feedbacks des joueurs. C'est ce que je me dis moi aussi. Des nouveaux modes, plein de nouveaux trucs. Donc, vous irez voir ça, les amateurs de Street Fighter, sur vos plateformes de téléchargement. Et ils annoncent la version digitale à 20$ et la version disque à 39,99$. Si vous n'avez pas le jeu, c'est quand même, ça peut être quand même, si vous êtes un fan de Street Fighter 4, puis vous avez plus le jeu, ça vous tente de vous le racheter. 39,99$, c'est quand même honnête. Pour le jeu complet, si vous l'avez pas déjà. Deuxième nouvelle, M. Castigny. Un nouveau DLC pour Injustice, Gods Among Us. En fait, qui va rajouter un nouveau personnage, qui va être, dans le fond, le Martien. John. Je pense que c'est ça son nom. Je crois. Mais le Martien. Voilà. Moi, je l'appelle comme ça, le Martien. Le Martien. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Martiens. Dans la Justice League, il y en a pas mal, juste un. C'est ça. Fait que c'est lui, là. Est-ce que c'est juste ça qu'il va avoir dans le DLC ou... Puis un nouveau skin pour Green Lantern. Et combien ils vont vendre ça? Ah, c'est pas même bien cher. De mémoire, c'était 4. Ah, ça de l'allure. 4-5$ à peu près. Ça de l'allure. C'était pas si pire que ça. C'est à peu près comme les personnages de Mortal Kombat, là. C'était à peu près ça, là. C'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Injustice est un excellent jeu de combat. Ceux qui sont amateurs de super-héros de la franchise DC et de Mortal Kombat, vous allez avoir un beau mix. Allez vous chercher ça, d'ailleurs. On vous le recommande chaudement. On en a déjà parlé, d'ailleurs, à l'émission. Sinon, Sega a annoncé une entente avec Nintendo. On avait déjà glissé un mot. En fait, c'est une sortie de classique en 3D sur la 3DS. Ouhou. Donc juste pour vous donner une idée, c'est un peu comme le jeu, ben certains classiques en fait que Nintendo a sorti. Il y a eu Excite Bike, je crois qu'il y avait Super Mario 1 qui l'avait aussi, mais bref, c'est vraiment le jeu rétro mais avec un profilage 3D. C'est pas à se jeter par terre, mais tu sais, ça permet de voir des vieux classiques sous un autre angle. C'est toujours le fun d'avoir ce genre de classique là. Donc en fait, Sega aurait annoncé faire la sauce 3D pour son jeu Altered Beast, Echo the Dolphin, Galaxy Force, Shinobi, Sonic the Hedgehog, le premier du nom. Ooh. Space Harrier, Street of Rage, très bon beat'em up sur le Sega d'ailleurs, et Super Hang-On que j'ai aucune idée c'est quoi. Quand même une belle sélection de titres pour votre 3DS qui s'en vient. Est-ce que la date est annoncée? Non, aucune date pour le moment, mais... Puis on sait pas combien ça va coûter non plus. Il parlait dans l'article que ça allait être approximativement les mêmes prix que les classiques Nintendo qui sont déjà sur le market, mais j'ai pas d'exemple de prix dans l'article. Fait que si vous voulez avoir une idée, ouvrez votre 3DS, allez sur le market, allez chercher Exact Bike, puis regardez le prix qu'il coûte. Ça devrait être ce prix-là. Allez vérifier ça sur vos encore plateformes de téléchargement. Donc une belle nouvelle pour les amateurs de jeux de rétro gaming sur 3DS. Exactement, excusez-moi. Ça va pas bien, Andrew. Sortir d'un rhume en plein été à cette chaleur-là. Ça pendant une canicule, comme Luduc, en fait, oui, dit, je mériterais un achievement de Microsoft ou encore un trophée PlayStation pour ça. Effectivement. Attraper un rhume en canicule, c'est un succès en soi. Pour vous, c'est ça, pas la légionellose. Ouais, c'est sûr. Too soon. Too soon. Donc, sinon, autre nouvelle. Oui. Namco Bandai dépose le nom Soul Calibur Lost Swords. Swords. C'est ça, là. T'as de la misère. Épée perdue. Et ça va être un jeu. Sur 3DS et PS Vita. Un peu, dans le fond, comme qu'est-ce qui a été fait comme jeu sur la PSP. Avec le même jeu, mais sous le nom de Lost Souls, si je me trompe pas. Fait que, dans le fond, ça va être une version portable. Pour l'instant, on ne parle pas s'il va y avoir une version... pas de version, mais si ça va être une version de jeu qui va communiquer avec les Soul Calibur déjà sur place. Aussi, un nouveau Soul Calibur qui va sortir sur console de salon. Il n'y a rien... dans l'article qui parle de ça, mais ça va être à surveiller parce que ça serait bien. Vita, 3DS sont tous les deux des consoles très connectées avec leur équivalent de salon. Fait que ça pourrait avoir des choses intéressantes au niveau du gameplay. Donc pour les amateurs, encore, on parle de jeux portables pour les amateurs de la franchise Soul Calibur, de nouveaux jeux qui s'en viennent pour vous. Autre nouvelle, M. Castegan. Encore avec Namco Bandai. On les aime. Ils font des bons produits. Ils viennent d'effectuer le dépôt de marque pour trois nouveaux jeux de la série Tales of. Ouhou. On parle du jeu Tales of Zestoria, Tales of Crealis et Tales of Catastora. Aucune information au niveau du support pour le moment, mais beaucoup de personnes mentionnent que ce serait probablement des consoles, des jeux pour les consoles next-gen, puisque le dernier jeu de Tales of sur PS3 était Tales of Xillia 1 et 2. Je t'annonce que t'en as deux à rattraper. Damn. D'ailleurs, je remercie Vincent de m'encourager. Je sais qu'il ne reste que quelques minutes à l'émission. Je ne mourrai pas en onde. Inquiète-toi pas. Merci, Vincent, d'encourager notre metteur en onde comme ça. Sinon, des détails au niveau de l'édition collectionneur de Batman Arkham Origins. Un jeu qui est très attendu. On parle, en fait, d'une boîte métal holographique. Donc, dans le fond, on voit Batman, on la bouge un peu, on voit le Joker. Deux DLC, dont un qui permet de jouer Deathstroke, qui était déjà donné en cas où on précommandait le jeu. Et un autre DLC qui, malheureusement, on n'a pas le détail parce que c'est comme grisé sur l'image, parce qu'ils veulent sûrement nous garder la surprise. Ouh. Mais bon, ils nous donnent deux DLC. Après ça, on a un artbook et on a une figurine de 23 cm de Batman qui tient le Joker par le cou. Donc, ça risque d'être quand même intéressant pour les amateurs de figurines. Mais si c'est dans la même qualité qu'on avait vu justement avec la statue de la Collector Edition de Injustice, ça vaut la peine. C'est pour les amateurs et les collectionneurs, ça vaut la peine d'aller vous chercher ça. Donc, dernière nouvelle. Oui, parce que ça avance vite. Lors d'une interview accordée à IGN, il y a eu un petit peu plus d'informations au niveau d'une suite au très excellent jeu Beyond Good and Evil. Michael, tu t'en rappelles sûrement pas, mais j'en ai déjà parlé à Puissance Maximale, qui était un jeu fait par Ubisoft où on jouait une reporteuse avec la compagnie de nombreux cochons. Reporter, qu'on dit pas reporteuse. Je suis enrhumé, ok, j'ai le droit. Mais bon, tout ça pour dire que il y avait toute une affaire de propagande, de complot, puis tatati. Tu sais, je ne rentrerai pas dans le scénario en détail. J'en avais parlé parce qu'il avait fait un remake HD sur PS3. Oui, je m'en rappelle. Bon, mais la suite de ce jeu-là est attendue depuis très, très, très, très longtemps. Donc, il y a eu plus d'informations. Et, en fait, l'auteur a dit... Je veux pas vous faire de la peine, mais si vous attendez Beyond Good and Evil sur la génération de consoles actuelle, ben, vous attendez pour rien. Parce qu'on a commencé à effectivement travailler sur le jeu, mais la barre est tellement haute pour les consoles actuelles, c'est qu'on n'est pas capable de le faire. Fait qu'on est obligé d'attendre la prochaine génération de consoles. Fait juste pour vous donner une idée, Beyond Good and Evil 2, c'est en élaboration depuis la PlayStation 2. C'est-à-dire qu'ils sont tellement en train d'essayer de faire quelque chose de hot qu'ils ont été obligés de skipper une génération de consoles. Fait que là, ouais. La chose que je me demande, c'est est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est no bullshit? Parce que ça reste que... On parle d'Ubisoft. Ouais, j'ai juste peur qu'on tombe dans un autre Duke Nukem Forever. Fait des années qu'on attend le jeu. On dit ça va être épique. Ça sort, on joue, puis on fait... C'est un pétard mouillé. Mais oui. En tout cas, on va souhaiter aux fans de la série que ça ne soit pas le cas. Mais bon, Beyond Good and Evil 2 qui serait sur les tables à dessin chez Ubisoft pour la prochaine génération de consoles. Et c'est maintenant la fin, mesdames et messieurs, de Puissance Maximale. Déjà, je veux remercier mon compère de toujours, M. Castegan, à la mise en onde. Merci, Andrew, d'avoir été là. Un plaisir, un plaisir. Et mon nom à moi est Michael Michaud, votre animateur, toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller écouter toutes nos anciennes émissions, chroniques, entrevues, aller lire des nouvelles aussi qu'on met sur le site également. Vous pouvez vous rendre sur Facebook, vous tapez... Pardon. Puissance Maximale dans la barre de recherche, vous allez nous trouver assez facilement. Allez appuyer sur le petit bouton j'aime parce que nous aussi, on vous aime, mesdames et messieurs. Et grâce à Facebook, vous allez avoir les informations sur l'émission avant tout le monde, en exclusivité. Donc, ne vous gênez pas. Puis nous, on aime ça. On voit qu'on est encouragé et qu'il y a plein de monde qui nous aime. Et profitez-en, bien évidemment, pour répandre la bonne nouvelle geek. Alors, comme à chaque semaine, mesdames et messieurs, on vous dit, passez une excellente semaine de jeu. Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right. Take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tak's a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room, or what I call the dragon's tomb, when I'm not out with my girlfriend. It's the end. Whoa, whoa, whoa, whoa. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D. Warriors who terrify. It's D&D. Virgins till the day we one, two, three, four, yeah.